Y'a quelqu'un? C'est un bar, connard! Ok, j'entre. Oh, y'a beaucoup d'indigènes ici. Bonjour, jeune barman. Pourriez-vous me servir un lait à la fraise? Quoi? T'arrives quoi? Un lait à la fraise, s'il vous plaît, vous pouvez pas m'aider? Quoi? Moi pédé? Non, monsieur, je n'ai jamais dit que vous étiez pédé. Je veux juste un lait à la fraise, s'il vous plaît. Oh, pédé! Vas-y, tu casses mon bar, moi! Qu'est-ce que je suis?